Elles ont parlé pour foutre les bordels. Regarde ça, dans l'air. Bah, qui fait comme ça, ma belle? Oh, des belles autres qui a compté ça. Regarde en l'air, boum, clair. Regarde ta pote fait comme elle. Bah, qui tape comme ça, ma belle? Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Bah, qui tape comme ça, ma belle? Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Faut baisser, pas mettre mère à six côtés. La veiller mon 4 ok ou pas venir là pour veiller. Ma belle, regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Bah qui tape comme ça, ma belle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. En deux temps où j'ai canté, cassé d'eau et puis monté. Où passer mon si prend pied, j'allais là jusqu'à monter. Oui tout le monde j'ai chiré. Nous passer mon si prend pied, j'allais là jusqu'à monter. Oui tout le monde j'ai chiré. Arrête de me regarder. On dirait que t'es frustrée. Ma chérie, il faut danser et puis voyez ça monter. Chalet la Jacques a monté. Regarde ta pote fait comme elle. Bah qui tape comme ça, ma belle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Bah qui tape comme ça, ma belle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Faut faire la fête, faut saper tes steaks. Bah qui tape sans stress, faut trembler tes fesses. Wow. Mettre meilleur sur tête, mino Jacques a flex. Fais ça wine up, wine up. Pousse à turn up. Côté, la veiller mon 4 ok ou pas venir là pour veiller. La veiller. Faut baisser, pas mettre mes ainsi côté. La veiller mon 4 ok ou pas venir là pour veiller. Regarde ta pote fait comme elle. Bah qui tape comme ça, ma belle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle. Bah qui tape comme ça, ma belle. Regarde ta pote fait comme elle. Regarde ta pote fait comme elle.